Regarde ce paysage. Ça te rappelle pas la Corse, en un peu plus aride ? Si. On dirait aussi certains coins de Provence, en moins vert. Ça me fait penser au village où je passais l'été quand j'étais petite. C'était des vacances de rêve. On faisait des confitures dignes de ce nom, on allait chercher des légumes délicieux dans le potager de papy, et tout était à l'avenant. Ouais. Maintenant, que t'achètes des légumes ici ou là, ça revient au même. C'est le même goût uniforme.